Marc 1, 14 à 20. Au début, c'était supposé être plus de versets que ça. Mais finalement, il y a du stock en 6 versets. Hein? Christian a enseigné sur un verset il y a 2 semaines. Avec 6, on est là pour 6 heures. Donc, ce matin, on est vraiment dans la continuité des deux derniers enseignements. Il y a 2 semaines, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, un appel à croire en la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus loin, le loin précieux de Dieu, Fils de Dieu. Et puis, dans l'enseignement, il y avait un passage qui avait été utilisé, c'est dans Actes 2, 38 à 39. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ça, c'est il y a 2 semaines. La semaine passée, Jean-Claude enseignait que l'arrivée officielle du Messie. Donc, l'ambassadeur introduit son roi, le Messie s'identifie avec son peuple, le Messie affirme son autorité sur l'adversaire. Donc, on reste vraiment dans cette continuité-là et on assiste à la première action, si on veut, de Jésus dans Marc 1, 14 à 20. Jésus va appeler les premiers apôtres. Avant de se lancer là-dedans, on va lire un petit passage dans Luc 21, 8 à 11, qui me permet de mettre la table déjà sur la conclusion, si on veut. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Je fais l'introduction dans ce passage-là parce qu'en fait, ça fait penser aux nouvelles dans l'actualité présentement. Vous suivez l'actualité, j'imagine, tout comme moi. Les guerres en Russie, en Israël, en Chine qui envahit Taïwan. Changement climatique, des tornades à rigaud, des tempêtes. L'économie qui va vraiment pas bien. Les bouleversements sociaux, toute la polarisation que ça amène, les opinions fortes, les gens qui se chicanent autour de ça. C'est ça le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et puis, en fait, il faut se poser la question, comment vous réagissez à tout ça? Est-ce que vous restez passif à regarder ça comme si c'était quelque chose de vraiment extérieur? Parce que c'est extérieur. C'est pas nécessairement un arbre qui tombe sur votre maison à tous les jours. Mais ça nous impacte. On ne peut pas rester indifférent à ces choses-là. Donc, vous ne faites absolument rien par rapport à ça? Vraiment, ça vous vient pas vous chercher du tout? C'est quoi les actions concrètes que vous prenez par rapport à ça? En fait, la question qui se cache derrière ça, la question que je veux vraiment vous poser, c'est est-ce que vous suivez intentionnellement Jésus-Christ dès maintenant, sans attendre, ou est-ce que vous suivez autre chose ou que vous attendez à plus tard? Avant de répondre à cette question-là, parce qu'on va en parler, allons lire le passage ensemble. Donc, un petit rappel, on est dans le livre de Marc. Tout a été présenté il y a 2 semaines, donc je vais passer rapidement. Mais on arrive là, dans le deuxième bloc. Christian avait présenté, donc il y avait 8 blocs en tout. On est dans le deuxième bloc qui est vraiment le début du ministère de Jésus, le ministère galiléen, donc en Galilée. On va lire le texte ensemble, mais comme à l'habitude, je vous l'affiche aussi à l'écran. Alors, Marc 1, verset 14. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Aussitôt, sans attendre. Vous ne trouvez pas que c'est un peu impulsif, à quelque part, comme action? Le fait de tout de suite se lancer, on dirait sans réfléchir. Est-ce que c'est impulsif, vous pensez? C'est un appel. En fait, Jésus parle à leur cœur. Puis si on lit les autres évangiles, on sait que ces quatre individus, les quatre apôtres, se sont informés, sont allés voir Jean-Baptiste qui a confirmé que Jésus est le Messie. Et on apprend, c'est dans l'évangile de Jean qu'on apprend, donc c'est ça, qu'ils ont entendu Jean-Baptiste témoigner qu'il a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Dans l'évangile de Luc, pardon, on apprend qu'ils le suivent, puis que ces événements-là arrivent après la pêche miraculeuse. Donc ils pêchent, ils prennent rien, Jésus arrive, ils prennent des filets pleins de poissons. Donc, il y a un contexte qui, ici, n'est pas mentionné dans Marc. Marc va directement au point. Mais le plus important, c'est pas tant qu'ils ont connu Jésus, qu'ils ont su. Le plus important, c'est que Jésus, si on s'attarde à ses paroles, ce qui était en bleu dans la diapo précédente, si je reviens ici, si on s'attarde à ce que Jésus dit, Jésus donne trois ordres, et ces ordres-là leur parlent directement à leur cœur. Les ordres, c'est essentiellement « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle et suivez-moi, suivez Jésus-Christ. » Donc ce matin, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder des ordres, hein, on n'aime pas ça, entendre le mot « ordre » de nos jours, mais on a établi que Jésus a la pleine autorité du Créateur du monde. Donc c'est des ordres. C'est des ordres qui s'adressent à chacun de nous, chacun de vous. De nous repentir du péché, de croire qu'il nous a sauvés, de le suivre immédiatement, sans attendre. Donc, c'est ce qu'on va regarder et s'attarder un à la fois. D'abord avec « repentez-vous ». Se repentir, en grec, c'est « metanoéo », à peu près. Si on s'attarde à la définition puis à l'utilisation de ce mot-là dans le Nouveau Testament, c'est changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Une aversion extrême. Il y a un changement de cap très important ici. Puis en fait, si on s'attarde, si on creuse ça un peu, c'est reconnaître d'abord que ça ne va pas. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de ce qui ne va pas dans le monde autour de nous, mais que ça ne va pas dans ma vie personnelle. En conséquence de ce qui se passe dans le monde ou en impact de « je suis inquiet » et « je pose des gestes », peu importe le pattern, je ne vous connais pas tous aussi profondément individuellement, mais il y a la première prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la source de ça, mais c'est le péché dans le monde, le péché dans ma vie. Puis c'est avoir honte de laisser aller ça, puis dire, moi je change de trac. Puis si on regarde, Matthieu, je vous lis un passage dans Matthieu 3, 7 à 9, qui est la même situation, mais là maintenant dans Matthieu, mais c'est le même contexte. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, ça c'est Jésus, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, donc la repentance intérieure, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, donc je mérite, hein, parce que j'ai Abraham pour père. Mais là, Jésus, je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. » Donc là, il met en garde les pharisiens et les sadducéens. Et puis si on regarde ce même mot-là, hein, qui est la repentance, Matthieu 12, 38 à 41, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voulons te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » On va s'attarder à ça juste après. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Jésus appelle à la repentance. Jésus, loin de Dieu, appelle à la repentance. Donc, si Ninive s'est repentie parce que Jonas a fait sa prédication, est-ce qu'il n'y a pas une pression à se repentir parce que Jésus appelle? Et puis, si on regarde le texte, moi, j'aime beaucoup aller voir, OK, mais ils se repentir comment? J'aimerais ça comprendre concrètement comment ils se repentir. Donc, si on va voir Jonas 3, 4 à 9, « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours !» Et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se lava de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fait faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes... Même les bêtes, que les hommes et les bêtes, des bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent pas d'eau, point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point? Donc, c'est à ça que Jésus fait référence quand il parle de Jonas et Ninive. Imaginez ça, on parlait tout à l'heure de ce qu'il y a dans l'actualité. Imaginez ça à l'échelle du monde. Hein, la Russie contre l'Ukraine, les différents pays en guerre. En Russie puis en Ukraine, il y a 182 millions de personnes. Je ne sais pas il y a combien de bêtes. Mais si on couvrait tout le monde de sacs, ça fait du sac. Imaginez les changements climatiques. 4 785 millions, donc on est dans les milliards, en Asie. 1 495 millions de personnes en Afrique. Let's go! On mobilise tout ce monde-là à la repentance. Donc l'ordre que Jésus nous donne, le premier, et le fondement des autres, vous les aurez compris tout à l'heure, avec, il y a comme une ascension, il y a comme un escalier. Repentez-vous. Est-ce que tout va bien dans votre vie, dans vos relations, dans votre couple, la famille, le travail, à l'école pour les plus jeunes? Tout est parfait, là. Tout va vraiment très, très bien. Si quelque chose ne va pas, l'idée, c'est de changer de cap. Pas juste changer de track, changer de bord. Si vous continuez sur le même chemin, c'est Gilles, on en parlait vendredi matin, puis il donnait l'image de tu rames vers les chutes du Niagara, il y a plein de signaux d'alerte. Mais toi, tu dis non, ben, je vais continuer. Ben voyons donc. Parce que c'est sûr que si nous, vous, continuez, ça va arriver au même résultat que ce qu'on constate. Il y a une expression en anglais, c'est « If you want different results, do different things ». Bon, ben, hein? Puis je peux vous parler de mon témoignage personnel par rapport à ça, parce que c'est exactement ça. J'aurais eu toutes les raisons, quand je suis venu à Christ, j'aurais eu toutes les raisons de continuer sur le même chemin. Succès professionnel, reconnaissance par mes pairs, un bon métier, manque pas de pas des grands soucis financiers, plein d'amis, une belle femme, des beaux enfants, je manquais de rien. Pourtant, une chose me minait, c'est que ça allait pas bien dans le couple. Donc, si je voulais des résultats différents, il fallait que je prenne différentes actions. En fait, la première étape, c'était « Il manque Jésus dans ma vie. » La repentance. Je suis profondément tout croche. Puis je ne peux pas rien changer par moi-même. Sans Dieu, on ne peut rien accomplir. C'est ça que Jésus commence à enseigner, et c'est dans ce contexte-là que Jésus appelle ses apôtres. Donc, les quatre sont déjà prédisposés, si je peux le dire ainsi, à cet appel-là. Donc, oui, c'est aussitôt, on va en parler tout à l'heure, c'est aussitôt qu'ils le suivent, mais ils sont interpellés dans leur vie. C'est une relation personnelle. Puis en fait, cet appel-là, si on regarde dans la parole de Dieu, Romains 8, 28 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc cet appel-là vient avec une promesse que tout concourt au bien. Peut-être pas en apparence évidente, peut-être qu'il y a des épreuves sur le chemin, mais dans tous les cas, tout concourt au bien dans le dessein de Dieu. Puis la conséquence de ne pas passer par cette repentance-là, bien, la parole de Dieu nous en parle aussi. Matthieu 13, verset 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc l'appel de Jésus est vraiment sérieux. Quand il dit « repentez-vous », il n'est pas en train de faire un speech ordinaire. C'est vraiment sérieux. Puis ça force cette prise de conscience profonde. Puis ça appelle à un changement dramatique dans vos vies à chacun. L'appel de Jésus qui fait à ses apôtres, c'est un appel qui s'adresse à nous tous. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit d'autres choses. Il donne d'autres ordres. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ensemble. Parce que ça va ensemble. Se repentir, c'est la première étape qui prédispose à considérer que Dieu a tout fait pour nous sauver. Mais se repentir est aussi dans la voie de dire merci Seigneur d'avoir tout fait pour nous sauver. Ça va ensemble. La bonne nouvelle, donc croyez à la bonne nouvelle, le mot grec qui est euaglion. Comment? Ah, moi, dans mon explication de comment prononcer, ça se dit, ça s'écrit E, effectivement. Mais oui, d'accord. Christian a plus de grec que moi, clairement. Hey! Oui, Évangile. La définition, c'est une récompense, le salut à travers Christ, la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ ou l'Évangile. C'est quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile? Si on retourne au verset 1, Christ signifie loin. Jésus signifie « Dieu sauve ». Donc, loin de Dieu, sauve. Nous sauve du jugement qui est déjà sur le monde. J'ai déjà eu j'ai un ami qui me pose des questions, qui n'a pas reconnu Dieu dans sa vie, mais qui me pose des questions, puis ces questions sont très viscérales, ils viennent de loin, tu sais. Puis là, ben, j'expliquais que Jésus nous a sauvés, puis il dit, mais ben, sauvé de quoi? OK, on va résumer, on part. Dieu crée le monde. Hein, on retourne à la Genèse. Dieu crée le monde parfaitement, avec Adam et Ève qui vivent parfaitement dans un jardin parfait, avec Dieu qui est parfait, tout est parfait. Adam et Ève se détournent de Dieu, décident de suivre le serpent, l'ennemi, Satan, de le suivre, de l'écouter. Donc, se détournent de Dieu. Donc, brise cette relation parfaite-là. Dieu dit, ben, je ne peux pas vivre avec je ne peux pas tolérer cette imperfection-là, cette corruption-là. Donc, oust, sorti du jardin, vous allez vivre dans le monde. Corruption progressive du monde mène au déluge. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ben, le monde est tellement corrompu, on va recommencer. Reset. Ensuite de ça, on dit, parfait, on a recommencé le monde avec Noé, le reste que Dieu a préservé, on recommence le monde. Fait son alliance avec Abraham, sauve ses enfants du pays d'Égypte, leur donne les lois, leur explique tout comment faire. Ils n'y arrivent pas, on sait. Donc, s'ils n'y arrivent pas par eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Il faut que Dieu, lui-même, qui a prévu du début le moyen du rachat, envoie son fils Jésus. C'est de ça que Dieu nous sauve. C'est le rôle de Jésus. C'était-tu assez sprint? Non, mais c'est important de se le rappeler. Hein? C'est important de recommencer l'histoire du début. 2 Timothée 2, 25 à 26. Dieu leur donna la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est ça le monde, c'est ça la situation dans laquelle on est. C'est ça la bonne nouvelle. Ici, on parle de l'influence qu'un enfant de Dieu peut avoir. Ces versets-là parlent de ça, mais c'est exactement ça. Puis la bonne nouvelle pour ceux qui suivent Jésus annonce aussi, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la mauvaise nouvelle pour les autres. On peut pas faire fi de ça. La bonne nouvelle vient avec la conséquence de ne pas croire en la bonne nouvelle, de quand Jésus appelle à la repentance, appelle à croire dans la bonne nouvelle, ben, faut être conscient qu'il y a aussi l'autre côté. 2 Thessaloniciens 1, 3 à 10 nous dit, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et loin de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié, dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, que notre témoignage auprès de vous a été cru. » Donc, encore un passage qui parle de ça. Donc, on parlait tout à l'heure de grincement de dents. On parle ici de ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, c'est sérieux. Jésus, cet appel-là, n'est pas vain, n'est pas léger. C'est sérieux. Puis croire en la bonne nouvelle, c'est passer d'un état de doute à une action. La foi, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. L'appel, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Mais passer à l'action, c'est de ça dont on parle ici. C'est de ça dont il est question. Puis Jésus dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je l'ai lu tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous passez à l'action ou pas? J'ai un autre collègue, c'est pas la même personne, mais j'ai un autre collègue qui étudie l'Ancien Testament. Il est fasciné, il étudie l'Ancien Testament, l'hébreu, le monde des Juifs, etc. Puis on s'est adonné à parler de qui est Jésus, de la foi. Puis lui, il dit, la foi, c'est extraordinaire, mais moi, je l'ai pas. C'est vraiment génial, là, mais moi, je l'ai pas. Je suis sûr que vous avez déjà eu des gens comme ça qui vous ont fait ce type de réflexion-là. Ça arrive. C'est comme si c'est quelque chose d'extérieur. Mais ça ne peut pas être extérieur à partir du moment où je me repens. Si j'écoute Jésus, si je me repens puis je dis « Ouais, c'est vrai que ma vie laisse à désirer à certains égards ou à plusieurs égards », à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être extérieur. Ça me concerne directement. Donc, je fais quoi? Je laisse ça comme ça? La bonne nouvelle, elle est pour moi. Jésus dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est pour moi, elle est pour chacun de vous. Mais vous faites quoi avec ça? Vous dites, ah oui, la foi, c'est quelque chose d'extérieur à moi, ça ne me concerne pas, mais c'est vraiment super. Mais non. Mais Jésus donne un troisième ordre. Suivez-moi. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Mais après, il faut le suivre. C'est pas, oui, je crois en la bonne nouvelle que tu es venu pour me sauver, puis après ça, je m'assois. Puis ce qui est intéressant, et là on revient à la réaction des quatre apôtres, qui le suivent aussitôt. Puis le mot « aussitôt », Euthéos. Je ne vais pas me faire chicaner, là. c'est bon. En fait, ça veut dire directement, immédiatement, sur le champ, tout de suite, en français, Jean-Claude. En fait, c'est intéressant, ce mot-là est 80 fois dans le Nouveau Testament, exactement ce mot grec-là, mais 40 fois sur 80 dans Marc. La moitié des références à ce mot grec-là sont dans Marc, l'Évangile de Marc, qui est quand même assez court quand on pense à tous les livres du Nouveau Testament. Donc, il y a une insistance sur l'urgence. Maintenant, sans attendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que mener une bonne vie, avoir des bonnes valeurs, c'est suffisant. C'est le critère pour plaire à Dieu. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un critère de qualification. C'est la récompense, c'est la suite, c'est la conséquence, positive bien sûr, de suivre Jésus. De reconnaître que par mes propres moyens, dans ma repentance, par mes propres moyens, je n'y arrive pas. Mais en suivant Jésus, activement, maintenant, sans attendre, avec toute l'énergie que je peux avoir, c'est là que ça plaît à Dieu, parce qu'on a une relation avec Dieu à travers suivre Christ. Sinon, ça compte pour rien. Puis quand on parle de l'urgence, ben là, j'aurais pu vous lire plein de passages. Je vous en propose trois ici. Luc 21, 29 à 36. « Voyez le figuier et tous les arbres. » Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Ça s'applique tout à fait à présentement. Donc on voit les arbres, là. Il n'y a pas longtemps, quelques semaines, c'était des petits bourgeons, puis là, ben maintenant, c'est tout vert partout. Que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. dans la parole de Dieu, il est question que le monde ne se dégradera pas jusqu'au point de Sodome et Gomorre, jusqu'au point de la corruption ne peut pas se rendre comme ça a déjà été. C'est ce qui est annoncé. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître que le royaume de Dieu est proche? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je suis de retour dans Luc 21. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. On en parlait tout à l'heure. Tous ces soucis-là, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je parle avec des gens autour de moi, tout le monde a des craintes, des soucis, du stress par rapport à tout ce qui se passe. Donc, attention que nos cœurs ne s'apesantissent pas par ça et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Donc, comme un filet qui s'apesantit sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, et non pas apesanti à terre, debout. Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Donc, un appel très particulier à notre vie en tant qu'Église. Ésaïe 13:6, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc, par rapport à l'urgence, j'aurais pu vous lire des dizaines de passages. Je me suis attardé à ceux-là, mais j'espère que vous voyez, tout comme moi, qu'il y a urgence. On revient aux nouvelles inquiétantes, on revient à du doute, est-ce qu'il n'y a pas des choses à régler dans ma vie? Soyez pas passifs. Il y a urgence de prendre action. Jésus appelle à la repentance. Repentez-vous, changez de trac, changez de cap. Croyez en la bonne nouvelle. Passez du doute à l'action maintenant. Puis suivez Jésus dans votre vie. Nous suivons Jésus en Église, dans vos familles, maintenant. Le temps, c'est maintenant. Aussitôt, l'enseignement est terminé.